Oui, alors attendez, hop, normalement. Voilà. Oui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Super, super. Donc, je vais juste vous poser 4-5 petites questions Oui. qui, vont nous permettre de vous mettre un petit peu en avant. Voilà, donc, ça fait longtemps que l'on travaille avec vos vins qu'on apprécie énormément. Et Merci. puis, voilà, première question, c'est un peu quel est votre parcours, comment vous en êtes arrivé avec le domaine de la Sorrentisa? Alors, donc c'est un domaine familial du côté de Nicolas, mon mari. Donc c'est une propriété qui est dans la famille depuis 1853. Donc en définitive, c'était des négociants en vin de Bercy, mais originaires de notre région, qui ont souhaité revenir et qui ont eu l'opportunité d'acheter cette propriété. Qui avait été, donc la maison a été bâtie en 1831 par un lieutenant-colonel de la garde napoléonienne, qui est originaire du Dauphiné et qui est venu se marier à Fuissé. Et quant à son décès, sa veuve n'a pas souhaité garder le domaine, donc ça a été racheté par la famille de Nicolas. Et donc ça a été mené par plusieurs générations jusqu'à Nicolas, qui initialement était ingénieur forestier, et qui a eu l'opportunité donc de s'installer sur la propriété en 1986. Et moi, je suis venue faire les vendanges et je suis restée. Donc, je suis arrivée sur le domaine en 1990. Voilà. D'accord, Donc, c'est une chouette moi, histoire. j'ai une formation de comptable au départ. Et on a D'accord. tous les deux fait donc nos formations au CFPP à Davayé pour pouvoir s'impliquer au niveau de la vigne, bien comprendre. La chance que Nicolas a eue, c'est que donc la propriété avait été mise en métayage comme ça se faisait à l'époque, hein. Et donc la dernière personne qui a eu le métayage, qui était encore sur la propriété, qui est née sur le domaine, a pu donner beaucoup de conseils à Nicolas pour la taille, pour mener les vignes à bien. D'accord. Voilà, donc depuis 86, donc on est sur le domaine, donc on est la sixième génération. Ouais. Et voilà. Et concernant le vin, qu'est-ce que vous cherchez justement à apporter? Nous, moi j'adore votre cuisinier, c'est celui que l'on travaille. Oui. Quel le voilà le votre touche, qu'est-ce que vous cherchez à apporter à vos vins pour Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, donc, on a commencé avec un petit domaine, on est 3 hectares et demi, on est passé à 6 hectares, maintenant on est à 7 hectares. Donc on a 6 hectares en Pouilly-Fuissé, 1 hectare en Mâcon-Fuissé, répartis, donc on a 25 parcelles réparties, tout est sur la commune de Fuissé. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a des terroirs différents, des expositions différentes et des âges de vignes différents aussi. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de vraiment pouvoir exprimer ce que la nature sait nous donner. C'est-à-dire qu'on D'accord. essaye d'être le moins interventionniste possible. Donc on ne peut pas être en bio parce qu'on a beaucoup de gens en conventionnel qui traitent autour de nous, donc ça rimerait à rien du tout. On fait de la lutte raisonnée, on essaye de traiter le moins possible et juste quand il y en a besoin. On fait de l'enherbement maîtrisé. On récolte toute notre récolte est faite de manière manuelle, de manière à pouvoir apprécier la qualité du raisin à sa juste valeur et à sa juste maturité. On travaille avec un pressoir pneumatique qui nous permet aussi d'adapter la pressurée par rapport à la qualité du raisin que l'on rentre. Et on ne ferme, enfin on ne met pas de levure sur nos raisins. On essaye de travailler, enfin on travaille avec les levures indigènes. Voilà, on essaye vraiment de garder l'expression du terroir jusqu'au bout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la nature sait nous donner des choses. Il faut être patient et il faut faire avec. Ok. Et comment Voilà. s'annonce le millésime 2018, Ouais. alors on a eu une jolie sortie de fleurs. Là, pour l'instant, c'était assez joli. Là, on passe une période un peu délicate avec cette canicule. Ouais. Bon, théoriquement, milieu de semaine prochaine, il nous annonce un peu de pluie et ça va être grand temps parce que sinon, après, la vigne va rentrer en stress hydrique et c'est pas très bon. Donc, si on a de la pluie, ça devrait arranger les choses, refaire mûrir cet apport d'eau qu'on va avoir au sein du raisin et théoriquement, on devrait avoir une jolie récolte. ce qui nous va nous faire grand bien parce que on a passé une période avec 4 petites récoltes, ça a été très compliqué au niveau commercialisation et voilà. Donc là voilà, on a eu 2017 qui nous a fait du bien et 2018 qui s'annonçait quand même, qui s'annonce relativement bien aussi. Voilà. Nous, notre politique, c'est vraiment de préserver le terroir, aussi bien à la vigne que dans l'élevage du vin en lui-même, et puis de pouvoir le retranscrire au niveau de la dégustation. Il faut vraiment que ce que les gens ressentent, ça les fasse rêver et avoir envie de découvrir le vin et puis peut-être de venir découvrir la région. Enfin voilà, c'est vraiment une impression. Ça marche. Ça marche bien. On est dans une région qui est quand même assez fuissée. C'est un petit village qui est vraiment regroupé. Hein. C'est le propre des villages mâconnais où on laisse vraiment toute la place à la vigne. Donc on est au fond d'un vallon. On a des grands coteaux avec de la vigne et c'est vraiment une mosaïque tout au long de l'année avec ces mosaïques là quoi. Ok. Et si vous aviez une petite anecdote marrante avec toute votre année d'expérience, alors votre parcours est déjà en soi un parcours atypique. Oui. Est-ce que vous avez à partager un moment un peu drôle, peut-être après coup, mais voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous trouver comme anecdote J'imagine qu'il y a souvent des rebondissements dans une activité qui est pleine de surprises. Oui, bah c'est vrai que souvent au moment des vendanges, on peut avoir des surprises, on peut avoir... mais là, tout de suite, ce que je peux vous dire, c'est que la dernière personne qui habitait dans notre maison est devenue centenaire. C'était une grande cousine de mon beau-père qu'elle a mené d'une main de maître le domaine jusqu'à la fin et que voilà elle était bon voilà le vin conserve peut-être je sais pas on verra pour il nous semblerait hein, il semblerait oui bah sinon voilà bah tous les ans pour les vendanges comme on a une troupe de vendangeurs bah il y a toujours des petites anecdotes des petites choses qui se passent mais alors là j'ai rien qui me vient à l'esprit. Non, puis en plus je vous ai pas envoyé des petites questions en amont donc évidemment tout est sur le vif. Alors je vais encore vous embêter avec est-ce que vous avez un dicton, un adage, un proverbe, quelque chose que vous aimez particulièrement si je vous embête hein. Non, mais c'est vrai qu'à brûle pour point là. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire Non, j'ai rien qui me vient à l'esprit. Qu'on est fiers de ce qu'on produit et que, ouais. Voilà, on essaye de valoriser notre travail de A jusqu'à Z. C'est un peu l'intérêt de notre métier aussi, c'est qu'on mène notre produit du raisin jusqu'à la bouteille. C'est-à-dire que quand on vous parle de ce qu'il y a dans la bouteille, on sait de ce qu'il en est. Mmh. Hein, parce qu'on taille la vigne, enfin tous les deux avec Nicolas, hein, on taille la vigne, on plie, on relève, on vendange, donc on vinifie. Voilà, c'est un peu comme nous on a 3 enfants, mais c'est un peu comme nos enfants, quoi, si vous voulez. Et chaque pied de vigne pour nous, enfin pour quand on taille, c'est comme une personne, parce qu'en définitive, on a la même philosophie, la même façon de vivre. Une vigne est adulte à partir de l'âge de 7 ans. Bon, on dit que l'âge de 7 ans pour un humain, c'est un passage. Ouais. Après, elle peut vivre très longtemps, et plus elle va vivre longtemps, plus elle va se bonifier. Elle va donner moins, mais elle va donner mieux. Mm-hmm. Et je pense qu'on peut faire vraiment un parallèle entre la personne et la vigne. Et quand on est devant un pied de vigne et qu'on va le tailler, et ben à chaque fois, on va se reposer la question « qui tu es ? Qu'est-ce que je laisse ?» pour que tu puisses produire encore mieux. Et ça, c'est la partie la plus enrichissante de notre travail. C'est considérer chaque cep comme une personnalité. Ah, c'est hyper intéressant. Alors, je rebondis là-dessus. Donc, comment vous, votre entourage vous décrirait s'ils devaient, si on leur posait la question, oh, mais qui est Françoise? Ah oui, moi je discute plus que mon mari, mais je pense que dans notre façon de faire, on est quand même assez discret. On n'aime pas trop se mettre en avant. C'est pas dans nos gènes, je dirais, et c'est vrai que ben on laisse faire venir les gens à nous, plus venir les gens à nous par découverte. Et puis voilà. Moi j'aime beaucoup l'histoire, hein, donc je me suis intéressée à l'histoire de notre maison, qui est quand même assez riche, et puis à l'histoire du village. Et c'est vrai que ça permet de mieux comprendre, quand on n'est pas issu d'un village, ça permet de mieux comprendre le village, les gens, la manière de faire et comment on en est arrivé là, en définitive. Donc, voilà. Et Nicolas, c'est quelqu'un qui est très discret, qui s'investit énormément dans son travail. Alors, lui, il a toute la partie vinification. Hein, on s'est réparti les charges. Autant il y a les travaux d'hiver, les travaux d'été à la vigne, ça, on peut les partager. Bon, tout ce qui est manipulation en jambeur, c'est lui qui le fait. Moi, je n'ai pas cette capacité. Et lui, il a la partie vinification. Moi, j'ai la partie administrative. Mm-hmm. Mais par contre, comme on travaille beaucoup par assemblage sur nos vins, étant donné qu'on a une foultitude de petites parcelles, donc on fait des dégustations pour faire ces assemblages. On n'a pas les mêmes sensibilités, mais on arrive toujours à la même conclusion tous les deux. Ça, c'est intéressant aussi, parce que vous allez vraiment dans la même direction avec des idées, voilà. C'est complémentaire. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que d'une année sur l'autre, on essaie toujours de retrouver qu'on ait un fil conducteur dans nos vins, c'est-à-dire que les millésimes sont différents d'une année sur l'autre. On le voit bien encore beaucoup plus maintenant, où on a quand même des années qui sont ou très chaudes ou venteuses, donc ils nous apportent des choses différentes, mais on essaie de toujours avoir un peu la même trace, la même lignée, si vous voulez, du vin pour qu'il soit toujours fidèle à ce que les gens puissent en attendre et ce qu'ils connaissent. Mmh. Donc après, on sait leur expliquer pourquoi il peut y avoir des différences d'un millésime sur l'autre, hein, et ça, les gens le comprennent aisément. Mais voilà, on essaye toujours d'avoir cette ligne conductrice et d'être le moins interventionniste possible dans nos caves. D'accord. Mais écoutez, merci beaucoup, Françoise, d'avoir répondu à ces questions. Et encore une fois, c'est un joli vin. Et nous, justement, on a un beau mariage et les gens ont sélectionné votre vin pour célébrer cet événement. Donc, merci à vous. Et puis, à bientôt. À bientôt. J'avais une autre petite chose. Oui, vous nous aviez sollicité il y a quelque temps, au mois de juillet, là, pour une commande, pour un mariage, justement. Donc, en millésime 2016, là, on a vraiment plus rien. Donc, on n'a pas pu vous donner... Je sais. Du coup, on a réduit un peu les quantités pour ça et on lui a laissé tout le 2016 pour cette D'accord. Personne. Parce que là, on a le 2017 là qui est mis en bouteille. Théoriquement, on récupère les étiquettes demain. Donc c'était savoir si il fallait vous faire en urgence une commande ou si ça... Non, on va laisser comme ça puisque le vin va D'accord. être livré la semaine prochaine sur le lieu du mariage. Bon, ben désolé, mais... Non, mais c'est pas grave, les personnes comprennent aussi que c'est pas volonté, parce que parfois il faut savoir attendre un petit peu et ils en ont déjà et puis... Ils ont aussi choisi des belles choses, donc voilà. Ils auront ce qu'il faut pour se faire plaisir, mais les deux, le mari et la femme sont tombés amoureux de votre vin à la première dégustation. Ah, c'est bien. Donc ils ont dit on veut ça parce que c'est quand même c'est aussi un budget. Et donc ils sont partis là-dessus, ils en étaient ravis. Donc on leur laisse tout le stock et le 2017, je pense qu'on verra pour la rentrée Oui. Donc là, on aura plus de disponibilité, donc on pourra plus vous donner satisfaction aussi. Hein. Super. Voilà. Merci. Bon, vous avez des vacances de prévues? Dans une semaine maintenant. Ah, c'est bien. On va pouvoir en profiter un petit peu. Oui. Comme moi j'ai eu ma petite fille et que dans les métiers que vous connaissez en indépendant, on n'a pas forcément la possibilité de demander que des congés Oui, maternité et oui, oui, autres. oui. Là, ça va être le moment de pouvoir souffler un petit peu. D'accord, elle Ça a va être quel bien. âge? Donc là, elle a 7 mois, 8 mois, D'accord, oui, 7 il faut mois et demi. profiter là. Ouais, Ça va donc vite. là, ouais, j'avoue que les dernières vacances remontent à un petit bout de temps. J'ai dû prendre allez, un mois entre l'avant et l'après. Donc ça va faire du bien. Et vous partez un petit peu? Bah, nous, on est parti la semaine dernière parce que comme les vendanges s'annoncent de bonne heure, Ouais. alors on devrait vendanger autour du 25 août. Donc, il faut anticiper un peu les choses. Et puis voilà, donc on était en Bretagne, on était au frais, on était bien. Il Et a là, fait on est dans beau la aussi en chaleur. Bretagne, je crois. Non, en Bretagne, Pardon? il faisait quand même très beau en Bretagne. Ah, on a eu une semaine magnifique, hein. C'est vrai que. Et puis l'eau était chaude aussi, donc Ouais, il paraît c'est qu'elle n'a assez jamais été aussi surprenant. chaude en Bretagne, ouais. Ouais, c'est assez surprenant, mais bon, c'était bien. Bon. Bon, bah, écoutez, je vous souhaite de bonnes vacances. Merci Je vous dis à beaucoup. bientôt. À Et très puis, bientôt. Et merci encore pour votre temps. bah, je vous en prie. Bonne À journée, au bientôt. revoir. Merci, au revoir.